Et d'après ce papier, l'estimation de la douleur est influencée par des stéréotypes de genre. Lors de deux expériences, près de 200 participants ont observé des vidéos de vrais patients et de patientes en train de souffrir de douleurs chroniques. Puis les participants devaient estimer l'intensité de leur souffrance. Alors même lorsque les hommes et les femmes expriment des niveaux de douleur physique similaires, les participants ont globalement considéré que la douleur des femmes est moins intense que celle des hommes. Le second volet de l'étude montre que les femmes sont également plus susceptibles d'être orientées vers une psychothérapie plutôt que vers des antalgiques. Voici une nouvelle étude qui montre l'existence de biais sexistes dans la considération de la douleur. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Il serait aisé de penser qu'en 2021, la prématurité d'un enfant n'est peu ou prou plus un souci. Les bébés nés trop tôt sont correctement pris en charge dans les services de néonatalité et après quelques jours de couveuse, tout rentre dans l'ordre. C'est partiellement vrai, mais pas tout à fait. Déjà parce qu'il y a une très forte disparité dans la prise en charge des bébés prématurés en fonction des pays. Par ailleurs, avec 1 million de décès par an, la prématurité reste la première cause de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans. Ensuite, parce que si une avance de quelques jours est dans l'immense majorité des cas bénigne, les grands et les très grands prématurés peuvent, eux, garder de lourdes séquelles à vie. Les deux études qui indiquent une baisse drastique des naissances prématurées lors du premier confinement sont donc a priori plutôt une bonne nouvelle. Retour en arrière, en 1967, lorsque la prise en charge des prématurés était bien plus sensible qu'aujourd'hui, c'est notre archive du jour. C'est parce que les accouchements prématurés sont beaucoup plus fréquents qu'on ne croit. On peut dire qu'une grossesse sur 10 risque de se terminer par un accouchement prématuré. Si à cela vous ajoutez que les femmes qui ont des enfants prématurés ont tendance à voir se répéter cet accident, que souvent elles ont eu dans leur passé des fausses couches spontanées, cela veut dire qu'en moyenne, par an en France, il se perd environ 100 000 vies humaines du fait de grossesses qui n'ont pas pu être menées à terme. Les problèmes que posent ces prématurés sont, on peut dire, de deux ordres. En premier lieu, surtout quand ils naissent très tôt, c'est-à-dire aux environs du sixième mois, ils ont des handicaps pour vivre et il faut les aider à survivre et à passer les premiers jours. Et un deuxième problème qui nous préoccupe également, c'est que un certain nombre de ces enfants ont une oxygénation de leur cerveau qui est insuffisante. D'autres choses d'ailleurs peuvent léser leur cerveau et que nous sommes très préoccupés par le fait que non seulement nous voulons les tirer d'affaire, mais nous voulons leur donner les meilleures chances d'avoir un avenir normal. Oui, parce que je vais vous dire, est-ce qu'un enfant né à 6 mois est capable de devenir un être normal après ? Il l'est certainement, on peut même dire, dans la majorité des cas. Mais c'est précisément chez ces tout-petits qui ont eu du mal à respirer. Et bien entendu, s'ils ont du mal à respirer, cela veut dire que leur cerveau reçoit moins d'oxygène. Et bien c'est précisément chez ces tout-petits que le risque de suite cérébrale existe. Naturellement, je répète que la majorité des enfants ont leur chance d'être normaux, mais ce que nous voulons, c'est essayer de réduire au minimum le risque de lésion cérébrale. Voilà, le professeur Alexandre Minkowski dans l'émission à voix haute, à voix basse sur la radiodiffusion française en 1967. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre par rapport à la situation aujourd'hui, plus de 50 ans après, Elsa Kermarvan. J'aurais deux remarques. La première, c'est que la préoccupation qui était celle des néonatologistes à l'époque est la même actuellement, c'est-à-dire c'est toujours notre préoccupation première est toujours de faire survivre les bébés avec le meilleur avenir possible, la meilleure qualité de vie possible et puis donc la vie la plus normale possible. Et ça soulève du coup des questionnements éthiques par moment. Et la deuxième remarque, ça m'évoque à quel point la néonatologie a fait des progrès depuis ces années 60 où elle était à ses tout débuts. Les progrès notamment dans l'introduction de la corticothérapie anténatale, l'administration de surfactants, la ventilation artificielle, les méthodes de ventilation non invasive. Et on en parlera voilà, plus en détail choses, plus tard. Bien sûr, autant de choses dont on va parler dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Votre réaction, Agile Kayem, à cette archive ? Elle est effectivement extrêmement intéressante. Actuellement, c'est vrai que la prématurité reste un problème majeur. Ce qui a beaucoup changé, c'est d'une part, comme le dit le professeur Kermorvan, c'est la prise en charge qui a énormément évolué. Et surtout pour nous obstétriciens, elle a évolué même à des termes beaucoup plus jeunes. Ce qui implique des questions et des âges gestationnels beaucoup plus précoces qu'on ne se posait pas avant. Et à des prises en charge qui ont vraiment fait changer notre cœur de métier. Oui, on va revenir sur cette étude qui atteste de la baisse du nombre d'enfants prématurés pendant le confinement, mais puisque vous l'évoquez, Gilles Cayem, il y a quelque chose dont on avait parlé dans le journal des sciences et qui nous avait d'ailleurs à peu près tous surpris dans l'équipe de la méthode scientifique, c'était cette annonce, je crois que c'était en 2019, de la survie d'un très très grand prématuré, puisque c'est un enfant dont la naissance a été provoquée à 22 semaines de grossesse, à 24 semaines d'aménorrhée, qui pesait 268 grammes. Est-ce que quelle est votre réaction? Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer, repousser presque indéfiniment la date de l'accouchement? Comment est-ce que vous réagissez à ce type de cas extrême? Alors, nous, la date de l'accouchement, elle est conditionnée par ce que nous dit le pédiatre sur ses capacités de réanimation. Alors, ce que vous évoquez est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, en France, jusque même encore actuellement, il est très rare de faire des réanimations du nouveau-né avant le terme de 24 semaines ou pour des poids qui sont plus petits que 500, 600 grammes, 500 grammes. 24 semaines de grossesse, hein. D'aménorrhée. D'aménorrhée, d'accord. Okay. D'aménorrhée, ce qui ferait 22 semaines de grossesse. C'est ça. Comme ce qui est le cas de cet enfant japonais. Alors, c'était 22 semaines d'aménorrhée ou de 22 grossesse. Semaines de grossesse et 24 d'aménorrhée. Non, c'est l'inverse, non, pardon. Je pense que c'était 22 semaines de grossesse parce que 260 grammes, c'est vraiment très très petit. Ouais. C'est 22 semaines de grossesse, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. D'aménorrhée. on va y arriver. Je vais vérifier, je vais vous le dire. Non, mais c'est vraiment très petit. Hein, Oui, bien sûr, c'est très petit. C'est en France, petit. Alors, Elsa le sait mieux que moi, mais Elsa Carmont. Il y a une limite très très claire, c'est la limite physiologique, c'est-à-dire que avant 22 semaines d'aménorrhée, les poumons ne sont pas suffisamment développés pour pouvoir respirer tout simplement. Et quel que soit le support ventilatoire qu'on peut mettre en place, il y a une limite physiologique à la réanimation. Et puis bon, il y a aussi une limite technologique, hein, à 268 grammes, on n'a pas beaucoup de matériel qui permet de mener une réanimation chez ces bébés. C'est bien 22 semaines de grossesse, hein. Je vérifie l'information, c'est 22 semaines de grossesse, 268 grammes pour ce bébé. Donc, à votre avis, il y a effectivement tout de même des limites qu'on ne peut pas dépasser quoi qu'il arrive. En tout cas avec les techniques et les technologies dont on dispose actuellement. Pour revenir sur ces études qui attestent de la diminution du nombre de prématurés suite au confinement, Gilles Cayem, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une bonne chose, c'est des chiffres assez significatifs. On parle de 75 à 90% de diminution en fonction des deux études, une irlandaise, une danoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a eu plusieurs autres études depuis qui ont donné des résultats discordants. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'études qui semblent montrer une diminution, d'autres qui semblent ne pas montrer de différence, voire une augmentation. Et du coup, ça pose une vraie question sur, on peut peut-être discuter sur quelles sont les causes de la prématurité, quelle est la physiopathologie de l'accouchement prématuré, et est-ce que le contexte du Covid, qui implique à la fois une pathologie qui est inflammatoire sur la patiente, parallèlement, l'impact de mesures de confinement qui peut avoir un effet antagoniste par rapport à la prématurité, quelle est la résultante de tout cela sur le pronostic de la grossesse? C'est un peu ça la question qui est posée. Les réponses partiellement apportées, en tout cas par les études irlandaises et danoises, évoquent une réduction du stress, de la station debout. Est-ce que vous considérez aussi comme étant les causes probables de ces diminutions, quelle qu'en soit l'ampleur, en fait, Elsa Carmorvan? Alors, il y a plusieurs axes de réponse. Le premier, c'est effectivement la réduction du stress, le repos, le fait de faire moins de trajets en voiture, etc. sont des les transports. Oui. C'est une diminution des facteurs favorisant. C'est pas vraiment des causes directes. C'est des facteurs qui favorisent le risque de prématurité. Donc ça peut avoir eu un rôle. Après, comme disait le professeur Cayem, les études sont vraiment discordantes. Et au final, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une réduction si drastique de la prématurité. Et le deuxième élément de réponse aussi, c'est qu'il y a une baisse de la natalité tout court. Et donc, mécaniquement, ça peut aussi expliquer qu'il y ait moins de préma. Il y a une autre étude en France, cette fois-ci en Champagne-Ardenne, qui arrive à des chiffres mais beaucoup moins significatifs, puisqu'on parle de moins 15 à moins 20%. Pour vous, l'un et l'autre, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Oui. Le KM. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas affirmer la réalité de cette diminution pour l'instant. C'est difficile de l'affirmer. Elle est possible. Hein. Il est tout à fait possible que la mise au repos d'une population entraîne une diminution assez faible, enfin, de la prématurité. Moi, je pense qu'elle serait assez faible de toute façon. Et donc, du coup, les chiffres qui ont été évoqués initialement par les études irlandaises et danoises me semblent en tout cas à prendre avec beaucoup de précautions de ce point de vue-là. Vous confirmez ? Oui. Quand on compile l'ensemble des papiers qui sont publiés sur le sujet, la baisse est probablement modeste. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des prématurés tout au long de cette heure en compagnie de Gilles Cayem et d'Elsa Kermorvan. Peut-être qu'on peut refaire juste effectivement un tour en termes de taxonomie, d'épidémiologie. Qu'est-ce que c'est ? À partir de quand est-ce qu'on parle d'une naissance prématurée ? Qui veut répondre, Gilles Cayem ? Alors, la prématurité, la définition, c'est au-delà de 22 semaines et de plus de 500 grammes de poids. C'est la définition en général. Il y a plusieurs... Après, on les classe en fonction de la gestationnelle. Et puis, ce qui est tout au moins aussi intéressant, c'est de les classer en fonction de la cause de la prématurité. En fonction de l'âge gestationnel, on va considérer qu'il y a une prématurité extrême en dessous de 28 semaines, une prématurité sévère en dessous de 28 et 32, et puis une prématurité plus modérée à 33-34 et plus encore à 35-36. Voilà. Elsa Kermorvan, et pour avoir un ordre d'idée, à peu près, il faut bien se rendre compte que les prématurés modérés ou la prématurité tardive, donc 35 et 36 semaines, sont largement les plus nombreux. Donc les enfants qui naissent après 32 semaines sont à peu près 85% des prématurés, tandis que les moins de 28 semaines représentent 5% des prématurés, et puis donc les 28 à 32, une dizaine de pourcents à peu près. Donc 85% à partir de 32 semaines, c'est-à-dire 7 mois et quelques. C'est ça ? C'est ça, oui. Ceux-là vont bien en général. C'est ça. Il y avait aussi une échelle qui était une échelle de poids. Est-ce que cette échelle est encore valide aujourd'hui, de poids du nourrisson, en disant au-dessus d'un kilo, un kilo cinq, deux kilos ? Non ? Elsa Kermorvan ? Le poids, on s'en sert plutôt pour orienter les bébés dans le type de service de néonatologie qui sera le plus approprié. Donc on utilise la barre des 1500 grammes pour les adresser dans les réanimations. Parce que on sait que les enfants de petit poids, qu'ils soient petits pour leur âge gestationnel ou simplement prématurés, sont plus à risque. Gilles Cayem, sur cette question du poids. Le poids, je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire par l'échelle de poids. Ce qui est intéressant, c'est que le pronostic de l'enfant va être fonction de l'âge gestationnel. Mais si l'enfant a un petit poids par rapport à l'âge gestationnel de naissance, très souvent, c'est associé à un moins bon pronostic. Mmh. Donc, c'est un fait pour l'obstétricien, en tout cas, qui prend en charge une patiente. Le fait de savoir, on a un âge gestationnel donné, ça donne une indication. Le fait qu'en plus, il y ait un petit poids, un poids qui soit vraiment très faible, par exemple, c'est une indication pronostique également qui va aussi l'aider dans sa prise en charge. Mmh. Le critère de poids, je pense qu'il est davantage utilisé dans les pays à faible revenu, où on n'a pas les mêmes moyens de déterminer l'âge gestationnel que dans les pays à haut revenu. On utilise l'échographie anténatale pour cela, et dans ces pays, ils ne disposent pas d'échographie. Et donc le seul moyen qu'ils ont d'estimer l'âge gestationnel, un des principaux moyens qu'ils ont pour estimer l'âge gestationnel, c'est le poids. Mmh. Hein, justement, vous évoquez les disparités en fonction des pays. Il y a une forte disparité aujourd'hui sur la prématurité et sur la prise en charge de la prématurité en fonction effectivement du niveau de développement des pays ? Très clairement. Alors d'abord, il y a une forte disparité en termes de pourcentage de prématurité. Il y a de taux de prématurité. Il y a des pays qui ont jusqu'à 18% de leurs naissances qui sont des naissances prématurées. Ouais, c'est 8 sur 5, hein, c'est énorme. Beaucoup, ouais. Et il y a de très fortes disparités aussi en termes de possibilités de prise en charge avec des possibilités de prise en charge des enfants de moins de 32 semaines dans ces pays qui sont extrêmement minimes. C'est des pays où ils n'ont pas de possibilité de faire la nutrition parentérale, ils n'ont pas de possibilité de faire de la ventilation mécanique. Et donc, ils ont aussi des conditions en termes de possibilité de respecter les mesures d'hygiène, etc., qui sont bien moindres que nous. Et donc, les enfants décèdent bien davantage. Et on considère qu'à peu près trois quarts des naissances prématurées. Trois quarts des enfants qui décèdent de prématurité dans ces pays pourraient survivre en améliorant les conditions de prise en charge. Ouais. Sans aller jusqu'à la technicité de ce qu'on vit dans les pays occidentaux, simplement en améliorant les conditions sanitaires, les couveuses, le kangourou, etc. Avec des taux de mortalité qui peuvent aller jusqu'à un enfant sur deux, un décès sur deux à 32 semaines. Gilles Kem, un mot sur ces disparités en fonction des pays, vous voulez rajouter quelque chose? Non, par rapport à ce qui vient d'être dit, non. Quelles sont les causes, Gilles Kem, les principales causes de prématurité aujourd'hui? Alors, on a l'habitude de distinguer deux types de causes. D'une part, ce qu'on appelle les causes placentaires vasculaires, et d'autre part, les causes liées à la prématurité spontanée. Alors, les causes vasculaires placentaires sont des causes en général qui sont liées à un défaut d'implantation du placenta qui va entraîner une altération des échanges entre le fœtus et la mère, ce qui va avoir pour effet, d'une part, sur la mère, d'entraîner une pathologie qu'on appelle la prééclampsie, qui va associer une hypertension et puis une proténurie, et puis sur le fœtus, d'entraîner un retard de croissance intra-utérin. Et le seul moyen de traiter cette pathologie qu'on connaisse, c'est l'accouchement. Et donc, le rôle de l'obstétricien dans ce contexte-là, ça va être de surveiller la patiente, de surveiller le fœtus et d'essayer de voir quel est le meilleur moment de naissance qui permet à la fois de préserver au mieux le fœtus, mais aussi bien sûr de préserver la mère. Donc cette cause de la prématurité qu'on appelle la pathologie vasculaire, c'est à peu près autour de 50%. Enfin, ça dépend des séries, c'est entre 40 et 60% de la population. Et l'autre moitié, grosso modo, ça va être la prématurité spontanée qui, elle, va correspondre soit à une rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire la rupture de la poche des os, avec l'écoulement du liquide amniotique, soit à ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré à membrane intacte, c'est-à-dire des contractions utérines et une ouverture du col. Et là, ça va aboutir à ce qu'on appelle... Et qui sont liées à quoi, ça, par exemple, ces contractions anticipées? Alors, ça, curieusement, on sait moins bien. Il y avait une des hypothèses majeures, il y a une vingtaine d'années, qui était une cause infectieuse. C'est-à-dire ce qu'on imaginait, c'était le concept qui avait été émis parce que on faisait à ce moment-là, il y a des équipes américaines en particulier qui ont fait des amniosynthèses en cas de menace d'accouchement prématuré et montré qu'il y avait dans le liquide amniotique des bactéries à faible pathogénicité comme de l'urée plasma ou des mycoplasmes. Et il y avait en même temps une inflammation dans le liquide amniotique. Et donc on en a conclu que ces bactéries étaient potentiellement impliquées dans une inflammation qui allait finir par entraîner des contractions utérines et une modification cervicale. Et ça, c'était une cause importante. Les idées ont un petit peu évolué et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inflammation dans le liquide amniotique, mais qui n'était pas d'origine bactérienne. Et donc on en est arrivé un peu au concept d'inflammation stérile en se disant qu'il était probablement d'origine multifactorielle. Et c'est là qu'on rentre dans cette histoire de le stress, de Covid. Et multifactoriel, ça pouvait dire le tabac, par exemple, qui augmente le risque de prématurité, le stress maternel, les polluants environnementaux, autres, et puis voilà, l'obésité, enfin voilà, quelque chose de multifactoriel et environnemental, et aussi bien sûr endogène, ça on ne sait pas, ce sont des pistes qu'on explore, qui sont peut-être une inflammation locale qui résulte d'une mauvaise adaptation entre l'utérus et le placenta, mais sur un autre versant que la pathologie vasculaire par exemple. Ça c'est qu'une hypothèse, qui n'est pas du tout... démontré. Et donc ça, ce sont les causes. Et les autres causes potentielles de prématurité dans ce contexte-là sont aussi liées à des surdistensions utérines. Un très très bon exemple de cela, ce sont les grossesses gemellaires, qui ont environ un taux de prématurité de l'ordre de 40-50%. Donc, voilà. Et ça, c'est pour les jumeaux, mais ce que vous évoquez là à l'instant, Gilles Kem, ça peut arriver pour un enfant seul aussi, c'est-à-dire des surdistensions utérines qui seraient liées à quelque Alors, chose. Alors, les surdistensions utérines, peut en observer lorsque c'est une grossesse monofétale, dans un contexte, par exemple, de pathologie fœtale. On peut imaginer qu'il y ait une sténose digestive et le liquide amniotique est réabsorbé par le tube digestif du nouveau-né, et qui va entraîner un hydramnios, donc un excès de liquide, qui va distendre l'utérus et provoquer des contractions. Donc ça, c'est une possibilité. On peut aussi imaginer une malformation utérine, par exemple, qui va entraîner un utérus qui est plus petit ou moins plastique, ou avec un myomètre qui n'est pas parfaitement identique à celui d'une patiente qui n'a pas ce type de malformation, et qui va entraîner aussi ce type de soucis. Elsa Carmorvan, un mot justement sur ces différentes raisons et causes de prématurité. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ces fameuses prématurités spontanées dont on ne sait pas très bien finalement comment les qualifier ou en tout cas en trouver l'origine? Elles sont probablement multifactorielles et c'est ce qui en fait toute la difficulté de la prévention. C'est la raison pour laquelle nous, du côté néonatologie, on s'efforce de limiter les conséquences de la prématurité par un certain nombre d'éléments dont on va parler probablement. Mais je vous propose justement peut-être d'aller écouter comment est-ce qu'on prend en charge justement cette prématurité. Il y a différents degrés de prise en charge hospitalière. Pour comprendre exactement comment ça se passe, nous sommes rendus pour le reportage du jour dans un service de médecine et de réanimation néonatale, direction la maternité de Port-Royal à Paris. Bonjour Céline Lozaine. Bonjour Nicolas, oui, ce service est dirigé par le docteur Pierre-Henri Jarreau, un service qui comporte 63 couveuses réparties en différentes sections en fonction du degré de prématurité, car selon qu'il s'agisse de grande ou d'extrême prématurité, il faut adapter les soins et il faut aussi soigner ceux qui tombent malades en cours, des infections surtout, mais aussi des problèmes de développement ou dans les cas les plus graves, des détresses respiratoires. En tout cas, chaque nouveau-né est suivi en continu par les équipes de soignants qui assurent leur bonne croissance physiologique et neurologique, un suivi qui se poursuit jusque dans la petite enfance, jusqu'à l'âge de 7 ans. Ce centre périnatal est caractérisé ici par ce qu'on appelle un centre périnatal de type 3. Donc les centres de type 1, c'est la maternité de base qui n'a pas de lit d'hospitalisation pour les nouveau-nés. Les centres de type 2, on distingue des 2A et des 2B, ont des lits d'hospitalisation pour nouveau-nés et éventuellement des lits de soins intensifs pour les 2B, pour les nouveau-nés. Et les centres de type 3 intègrent toutes les autres structure plus une réanimation, donc des enfants qui sont en détresse vitale et qui ont besoin de supports lourds. Donc c'est le cas ici. Vous avez une soixantaine de lits. Alors on a 63 incubateurs absolument, et administrativement en tout cas il y a 21 lits classés réanimation, 21 classés soins intensifs et 21 classés néonatologie courante. Alors ici on a 23 lits qui sont soit du soin intensif, mais sans machine pour respirer. Ce que vous appelez des lits, c'est des couveuses? C'est des couveuses, en fait. Alors ici, il y a des berceaux et des couveuses. Il y a les deux. Au premier étage, où il y a 30 lits de réanimation et de soins intensifs, ce qu'on appelle lourds, il y a surtout des incubateurs, c'est-à-dire des couveuses. Donc ça, vous avez ici une chambre type. Alors lui, il est là depuis assez longtemps. Et vous voyez d'ailleurs, je me souviens plus quelle était sa prématurité, je crois qu'il était à 26 ou 27 semaines. Mais là maintenant, il est beaucoup plus vieux, ce bébé-là. Il faisait 1100 grammes et il est né le 23 janvier. Donc au départ, il passe au premier étage, qui est là, le secteur de réanimation et de soins intensifs lourds. On va le laisser dormir. Voilà. Et donc, s'ils ont besoin de machines pour les aider à respirer, ils ont les machines là-haut, etc. Et puis, quand ils vont mieux, qu'ils n'ont plus besoin de machines pour les aider à respirer en particulier, ils peuvent descendre dans ce secteur-là. Secteur, c'est moins intensif, si vous voulez. Ça, c'est des parents qui sont là. Là aussi, c'est normal. Alors, en quoi consistent les soins quotidiens? On les nourrit, on les surveille, on fait des mesures? Alors, ils sont surveillés en permanence, avec des électrodes, ce qu'on appelle des scopes. On les nourrit évidemment. Alors quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas prendre le biberon ou le sein. Donc en fait, des cathéters. Alors ils ont des tuyaux. Bonjour. Donc le principe, c'est de leur apporter ce qu'on appelle un support respiratoire, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de pouvoir les aider à respirer, soit avec des machines, soit parfois simplement avec un peu d'oxygène. La deuxième chose, c'est de les faire grossir, parce que quand ils naissent, ils sont tout petits, c'est souvent des bébés de moins de 1000 grammes, pour les plus grands prématurés. Et donc, il va falloir leur apporter de quoi grossir, c'est-à-dire de l'eau, des protéines, du sucre, des graisses, etc., qu'on leur apporte au début par un, ce qu'on appelle un cathéter, c'est-à-dire un petit tuyau qui va directement dans la veine cave, hein, donc la grosse veine qui est autour du cœur. Et puis en même temps, on va commencer assez rapidement à leur donner à manger directement dans le tube digestif, c'est-à-dire en l'occurrence directement dans l'estomac. Par une sonde, voilà, une sonde qui va dans l'estomac et dans laquelle on va mettre un petit peu de lait. Alors au début, chez les plus petits, hein, parce que là, on est en train de parler des tout petits, hein, surtout. On leur donne 8 fois 1 ml par jour, c'est-à-dire c'est très très peu. Donc là, Donc là, on est au premier étage. Donc ici, il y a 30 lits qui peuvent tous être utilisés pour mettre des machines pour ventiler les enfants. Et donc, ça, c'est un secteur plus intensif, hein, tout simplement. Donc là, on retrouve un peu le même type de chambre. Oui, sauf que là, vous voyez, il y a beaucoup plus de machines dans cette chambre-là. Les scopes sont différents. C'est pas tout à fait la même chose. Sur le plan architectural, c'est la même chose. Mais clairement... c'est pas le même type de soins. Là, par exemple, vous avez un bébé qui est ventilé, c'est-à-dire qu'il a un tube dans les poumons, qu'il est très malade, parce qu'il a plein de seringues, donc il a plein de médicaments pour soutenir sa tension, pour les antibiotiques, pour des tas de choses, et une machine un peu particulière. Donc là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de s'occuper du bébé, de l'aspirer, c'est-à-dire d'aspirer les sécrétions qu'il y a dans les poumons, de changer la couche, de lui remettre son... une alimentation, etc. Ça, vous voyez, ça, c'est une chambre typique de réanimation, c'est-à-dire qu'il y a... Donc là, il n'y a personne pour l'instant, parce qu'ils en attendent d'un bébé. On voit que c'est extrêmement bien équipé, avec des moniteurs partout, des machines... Voilà. Donc, vous avez un respirateur, vous avez... Ça, c'est la couveuse dont la température est bien sûr contrôlée. Ça, c'est des pouces seringues. Ça, c'est un scope dans lequel on va voir la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène, la fréquence respiratoire, tout ça. Jusqu'où vous poursuivez la surveillance et le suivi de ces nouveau-nés? Est-ce que vous les suivez jusque dans leur petite enfance? Oui, alors normalement, les grands prématurés, il y a ce qu'on appelle des réseaux de suivi. Il y en a en Ile-de-France, mais il y en a aussi ailleurs, qui permettent de suivre ces enfants jusqu'à l'âge de 7 ans pour pouvoir mettre en place s'il y a besoin. S'il y a besoin de rééducation ou quoi que ce soit pour pouvoir mettre ça en place. Donc nous, effectivement, on les suit jusqu'à 7 ans. Pour les plus extrêmes prématurés, on les suit chez nous jusqu'à 7 ans, en consultation. Voilà le reportage du jour à la maternité de Port-Royal dans les services de médecine et de réanimation néonatale. Bon, une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Elsa Kermorvan? C'est le milieu très, très classique dans tous les services de néonatologie avec les mêmes sons de scope et puis la même organisation, bien sûr. Gilles Cayem. Oui, je rejoins ce que dit Elsa Cabonvent. Hein, c'est effectivement ce qu'on a. Alors, ceci dit, le service de néonat de Port-Royal est un des plus importants sur Paris. On a aussi un centre de type 3 à Trousseau, mais pour ce qui est des prématurés 24 semaines. En particulier, c'est vrai que Port-Royal en a fait une spécificité. On va continuer à parler de la prématurité, on va évoquer les différentes questions liées aux immaturités, hein, les immaturités physiologiques de ces nouveau-nés qui arrivent un peu trop avant l'heure. Et puis on va parler bien sûr de prise en charge, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. いつの間にか月は満ち青のすべし。 Il est vilaine, des mystères de l'Orient à 16h35 sur France Culture. Comme toujours, et contrairement aux apparences, on soutient la scène musicale indépendante française. Et oui, c'est un groupe français. Nous parlons de prématurité tout au long de cette heure en compagnie de Gilles Cayem, qui est professeur de gynécologie obstétrique à Sorbonne Université, chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Trousseau à Paris et épidémiologiste dans l'université de recherche Épopée. Et Elsa Kermorvan, qui est pédiatre néonatologiste à l'hôpital Necker, professeur en pédiatrie à l'université de Paris et vice-présidente de la société française de néonatologie. Peut-être un mot du coup justement sur ces immaturités, les différentes immaturités en fonction de l'âge ou en tout cas du nombre de semaines de gestation. La principale immaturité, Elsa Kermorvan, c'est une immaturité pulmonaire chez les prématurés. Oui, alors je pense qu'il faut considérer les bébés prématurés comme ayant des fonctions, ayant tous leurs organes immatures en fait. C'est vrai que les poumons sont souvent le premier organe qui se manifeste après la naissance, mais en réalité toutes les grandes fonctions sont immatures, à commencer même par simplement la peau. C'est la raison pour laquelle on les place en couveuse, dans des couveuses réchauffées, humidifiées, comme on entendait dans le reportage. Et donc les poumons effectivement sont immatures en ce sens que d'abord ils sont très loin d'avoir terminé leur développement. Le développement pulmonaire il se poursuit même après la naissance chez les bébés à terme jusqu'à au moins 2 ans. Et donc les bébés prématurés sont encore leur développement pulmonaire est encore moins avancé. Et puis surtout, il manque d'un produit qui s'appelle le surfactant, qui est un mélange de lipides et de protéines, qui va venir tapisser les alvéoles, qu'on a tous dans nos poumons, qui tapisse les alvéoles et qui permet de les maintenir ouvertes. Et ce surfactant, il est fabriqué par les cellules alvéolaires au 3e trimestre de la grossesse essentiellement. Et donc les bébés qui naissent prématurément n'en ont pas. Et donc, quand ils respirent, leurs alvéoles se referment à l'expiration. Et donc, ça entraîne une grande gêne respiratoire. Une grande détresse respiratoire. On avait fait toute une émission justement sur les échanges gazeux dans le corps, sur les poumons. On avait parlé des alvéoles et de ces surfactants. Du coup, il y a ce problème de surfactant qui peut conduire à des détresses respiratoires, à des pauses respiratoires aussi. Comment est-ce qu'on le traite, ce problème de surfactant ? Alors, les pauses respiratoires, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une maturité des centres de la commande respiratoire au niveau du tronc cérébral. Le déficit en surfactant, il se traite avec deux moyens. D'abord, de ce qu'on appelle de la pression positive continue, c'est-à-dire on souffle de l'air dans les poumons des bébés pour maintenir les alvéoles ouvertes. On le fait soit au moyen d'une ventilation dite invasive avec la sonde qui va jusque dans la trachée et le bébé qui respire avec une machine. Ça, c'est ce qu'on fait pour les bébés les plus malades. Et puis, pour les bébés moins malades et de plus en plus, parce qu'on sait que c'est ce qui protège les poumons des bébés aussi de séquelles ultérieures, on utilise ce qu'on appelle la ventilation dite non invasive à l'aide de petits masques ou de petites canules qu'on place sur le nez et on souffle de l'air en continu et ça permet de diminuer le travail respiratoire, de maintenir les poumons bien ouverts. Donc ça, c'est la partie ventilation. Et puis la deuxième partie, c'est l'administration de surfactants exogènes. Donc en pratique, c'est du surfactant qu'on extrait de poumons de porc et qu'on administre dès que les enfants ont des signes de détresse respiratoire, d'autant plus facilement que les enfants sont extrêmement prématurés. Et ce surfactant a une efficacité absolument remarquable. Ça a changé le pronostic des détresses respiratoires de la prématurité. Ce surfactant, on l'administre de plus en plus avec des techniques non invasives aussi. C'est-à-dire que avant, on était obligé d'utiliser la sonde d'intubation pour l'administrer, et maintenant, on l'utilise au moyen de petits cathéters qu'on va placer dans la trachée. On va instiller le surfactant dans la trachée tout en maintenant l'enfant avec son dispositif de ventilation non invasive. J'ai été surpris que ce soit un produit qui soit utilisé depuis un autre animal. Ça pose aucun problème particulier ? Non. Non, non. En le disant, je vous pose la question de manière très très naïve parce que j'ai été surpris que ce soit pas du surfactant humain qui puisse être prélevé chez quelqu'un ou je ne sais pas. Non, il existe des surfactants synthétiques, mais dont l'utilisation a été même abandonnée en France, parce qu'il y a une grosse différence d'efficacité entre le surfactant naturel et le surfactant synthétique, qui n'ont pas les bonnes protéines qui permettent une efficacité pleine et entière. Vous disiez, Gilles Cayen ? Je disais que je ne savais pas, je trouvais ce qu'elle disait très tout le monde apprend quelque chose dans la méthode scientifique, y compris les invités. Peut-être un mot sur l'immaturité cardio-respiratoire, parce qu'il y a une communication, notamment entre l'aorte et l'artère pulmonaire, qui ne se ferme d'ailleurs qu'après la naissance, et qui du coup peut poser des problèmes chez les enfants prématurés. Alors, Elsa Clermont-Vent. Là, vous parlez de la persistance du canal artériel. Voilà, c'est ça. Le canal artériel, donc c'est un petit conduit qui existe, qui est indispensable à la circulation fœtale, hein, donc qui est ouvert pendant la vie fœtale et qui normalement se ferme après la naissance, au bout de 3 jours chez les bébés à terme. Chez les bébés prématurés, le mécanisme de fermeture est immature et donc ce canal artériel a tendance, et ce d'autant plus que les bébés sont prématurés, a tendance à se réouvrir après la naissance ou à ne pas se fermer. Et donc, ça peut avoir des conséquences importantes par le biais d'une déviation du sang, si vous voulez, de l'aorte vers les vaisseaux pulmonaires. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle un hyperdébit pulmonaire et en même temps un vol, entre guillemets, de sang vers le cerveau et les organes inférieur. Dans l'abdomen. Et donc, ça peut, quand le canal artériel persiste et qu'il est, gros, il peut avoir un retentissement général important et à commencer par un retentissement respiratoire important. Et à ce moment-là, il va falloir le fermer. Et pour le fermer, on utilise en première intention des médicaments de la famille des anti-inflammatoires, de l'ibuprofène essentiellement. On est en train d'évaluer l'efficacité du paracétamol dans cette indication. C'est incroyable ça, j'ai vu ça aussi. Non mais c'est surprenant parce que c'est du repositionnement d'une molécule extrêmement courante. On comprend pourquoi le paracétamol pourrait aider, ou en tout cas pourquoi les anti-inflammatoires pourraient aider. Parce que lui aussi va entraîner va favoriser la synthèse des molécules qui sont responsables de la constriction du canal artériel. D'accord. Et puis surtout, il est mieux toléré que l'ibuprofène, et donc c'est une piste très intéressante. Et puis un certain nombre de ces bébés vont échapper à l'efficacité du traitement médicamenteux, et donc il va falloir envisager de fermer ce canal artériel par intervention. Oui, par la chirurgie. Alors, par la chirurgie, mais on est en train de s'éloigner de plus en plus de la chirurgie, hein, la chirurgie en ouvrant le thorax et puis en ligaturant le canal artériel, pour au profit d'une fermeture moins invasive par cathétérisme. Hein, c'est-à-dire, là, c'est les cardiologues qui font cette intervention. Et ça consiste à placer un cathéter par la veine fémorale en général, et puis à remonter jusque dans le cœur, jusque dans le canal artériel, pour y placer une petite prothèse qui permettra de le fermer sans faire de cicatrice. Bien sûr. Quels sont les autres? On pense souvent à l'immaturité du système nerveux central. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui sont soulevés par la prématurité? Est-ce que il y a des choses à relever dans ce domaine-là? Alors, l'immaturité du système nerveux central, on peut la voir sous plusieurs aspects. Le premier, c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'immaturité de la commande respiratoire, avec des enfants qui vont avoir tendance à oublier de respirer ou faire des bradycardies, c'est-à-dire des ralentissements de la fréquence cardiaque de façon spontanée. C'est la raison pour laquelle on leur met le monitorage, le scope, dont on entendait parler dans le reportage. Et cette immaturité de la commande cardio-respiratoire, elle persiste jusqu'à 35-36 semaines, ça dépend des bébés. Et pour pallier cette immaturité, on donne au bébé de la caféine, qui est très efficace dans la prévention des apnées et de la prématurité. Le deuxième aspect de l'immaturité, du système nerveux central au sens large, et donc je vais inclure aussi les yeux. La vision et l'audition, c'est tout ce qui va concerner la poursuite du développement normal du développement normal de la rétine, du développement normal des connexions entre les neurones. À 25-26 semaines, on est encore en pleine synaptogénèse, on a encore beaucoup de connexions qui sont en train de se faire, bien tout sûr. Tout à fait, et toutes les agressions, entre guillemets, tous les événements qui peuvent se passer pendant la période néonatale précoce peuvent interférer avec ce développement normal, et c'est ce qui peut... C'est ce qui peut être source de séquelles à long terme. Alors, si on parle un petit peu des noms des pathologies, On a pour les yeux la pathologie principale. Séquelles de prématurité visuelle, c'est la rétinopathie des prématurés, qui peut entraîner la cécité dans certains cas. Et puis sur le plan cérébral purement, on peut avoir des complications à long terme sur le développement cognitif, les apprentissages scolaires, etc. C'est des choses qu'on verra tardivement, et c'est la raison pour laquelle il faut suivre les bébés jusqu'à 7 ans. Et puis de façon plus rapprochée, on peut avoir des complications qui apparaissent assez rapidement après la naissance, qui sont les hémorragies intraventriculaires d'abord, qui sont susceptibles d'apparaître dans les jours qui suivent la naissance. Les hémorragies intraventriculaires, c'est des saignements au niveau des ventricules à l'intérieur du cerveau qui contiennent le liquide céphalo-rachidien. Et donc, quand l'hémorragie est cantonnée au ventricule et de faible abondance, les conséquences sont probablement peu importantes, mais ces hémorragies peuvent s'étendre, et en particulier elles peuvent s'étendre au parenchyme cérébral, et là c'est beaucoup plus dramatique. Et puis le deuxième type de pathologie neurologique de la prématurité qu'on est susceptible de diagnostiquer aussi pendant le séjour en néonatologie, c'est ce qu'on appelle la leucomalacie périventriculaire. Alors là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus tardivement. Et on ne peut pas, en général, on le met en évidence après plusieurs semaines de vie. Et ça consiste en des lésions de la substance blanche périventriculaire. La substance blanche, c'est la zone du cerveau qui conduit l'influx nerveux, et en particulier au niveau moteur. Et donc cette leucomalacie périventriculaire, elle est secondaire à tout un tas d'événements aussi, en particulier des phénomènes d'ischémie, de manque d'oxygène, des phénomènes d'inflammation en particulier, et elle peut se traduire dans ses formes très graves par une kystisation de ces zones. Et là on parle de très grands prématurés, d'enfants qui sont nés avant 23 semaines. Toutes ces complications-là, c'est vraiment des complications de la très grande prématurité qui sont exceptionnelles après 32 semaines. Alors, il y a eu des études qui ont été menées en France, des études EPIPAGE 1 et 2 à la fin des années 90 et puis au début des années 2010, qui ont suivi des cohortes de prématurés en France. Et donc, on a des suivis sur d'un certain nombre d'années avec pas mal d'enseignements. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot, Gilles Cayem, de ces études-là? Oui, alors effectivement, il y a eu EPIPAGE 1 en 97, puis EPIPAGE 2 en 2011, dont l'objectif était en population, donc ça c'était quelque chose d'important, de vraiment d'inclure toute la population, et quasiment, ça a vraiment été une étude sur le territoire national. Et l'objectif finalement était à la fois de comprendre le contexte de naissance de ces enfants, le contexte maternel, pour pouvoir justement analyser les causes et les facteurs de risque associés à moins bon pronostic de ces enfants, et puis ensuite de suivre ces enfants, et ils sont encore suivis actuellement, puisqu'on a eu les données du 5 ans il n'y a pas très très longtemps, et elles sont en train d'être analysées. Et quels sont les principaux enseignements de ces deux études épidémiologiques en population réelle? Oui, Elsa Kermorvan, je vous en prie. Le premier enseignement, c'est qu'entre la première étude qui a été faite en 1997 et la deuxième en 2011, la survie des très grands prématurés a été améliorée. Et le deuxième enseignement, c'est que cette survie ne s'est pas faite aux dépens d'une augmentation de la fréquence des séquelles. Donc en pratique, il y a plus d'enfants qui ont survécu sans séquelles. Oui, alors JKM. Il y a un troisième enseignement qui nous a beaucoup surpris à l'époque, c'est que paradoxalement, nous avions l'impression en France d'avoir des résultats un peu moins bons que dans d'autres pays comme le Japon. Et ça nous a beaucoup amené à nous interroger, nous, obstétriciens, puis aussi les pédiatres, sur finalement, est-ce que nous sommes suffisamment interventionnistes? C'est compliqué d'être très interventionniste, comme le soulignait le professeur Kermorvan. Finalement, vous posez toujours des questions sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous êtes finalement en train de... À qui est-ce que vous êtes en train de permettre d'assurer une survie, avec quelles séquelles, avec toutes les conséquences familiales. Donc, on est vraiment passé par ce type de questionnement, et du coup, les pratiques sont réellement en train d'évoluer depuis maintenant une 5-6 ans en particulier, avec, dans le sens d'une prise en charge quand même à des termes un peu plus précoces et surtout vers une homogénéisation, enfin je l'espère en tout cas, des pratiques sur le territoire français. Oui. Je sais pas si, Elsa Kermarvon, oui, en fait, ces études, elles, pendant que en France, on était extrêmement prudent parce que, comme on l'a souligné en début d'émission, on craint beaucoup de générer du handicap à long terme. Et que quand même, ces extrêmes prématurés qui naissent avant 25-26 semaines sont... Enfin, la deuxième étude épipage montrait que il y en a 25% qui ont des séquelles modérées à sévères. C'est important, hein, ouais. C'est beaucoup. Ouais, On avait tendance à être extrêmement prudent dans la prise en charge de ces enfants. Et puis, parallèlement, il y a plusieurs pays qui ont rapporté leurs résultats, notamment la Suède, le Japon, dont aussi les États-Unis, qui montraient que finalement, à ces âges gestationnels extrêmes, il était possible de faire survivre les enfants sans forcément, systématiquement, beaucoup de séquelles non plus. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un nombre significatif d'enfants qui survivaient sans séquelles. Et on s'est rendu compte finalement que les différences dans les taux de survie, elles venaient essentiellement du fait que ces enfants-là n'étaient pas réanimés en France en dessous de 24 semaines, grosso modo, avec du coup des taux de survie très, très, très faibles. Mmh. Et ça a effectivement beaucoup remué la communauté obstétrico-pédiatrique et effectivement, les pratiques sont en train d'évoluer depuis 5-6 ans, tout à fait. Dans le sens d'une meilleure prise en charge et d'accepter finalement de prendre en charge ces enfants qu'on aurait plutôt pas pris en charge avant pour les risques que vous évoquiez. En fait, le message, c'est que une prise en charge active améliore les taux de survie, incluant les taux de survie sans séquelles. Et également qu'une prise en charge active des extrêmes prématurés améliore aussi le pronostic des moins prématurés. Mmh. Et avec le corollaire qu'on n'a peut-être pas tout à fait raison de ne pas se lancer dans une prise en charge très active complètement. Gilles Gaillem ? Oui, alors c'est vrai, sur le plan obstétrical, juste pour qu'on comprenne bien, ça a des implications. Le fait de faire des prises en charge plus précoces. Alors, il y a d'une part des prises en charge, des implications en termes thérapeutiques. C'est-à-dire que, par exemple, on va donner une corticothérapie anténatale pour améliorer le pronostic du fœtus après la naissance. Mmh. Mais aussi des prises en charge obstétricales. C'est-à-dire qu'on va être amené à réaliser des césariennes à des termes auxquels on ne les réalisait pas forcément auparavant, de peur, justement, des conséquences pour la mère en termes de morbidité. Ça reste une intervention. À ces termes-là, ça peut saigner plus. Ça peut avoir des conséquences sur les grossesses ultérieures. Mmh. Et donc, on était un petit peu plus réticents. Et ce sont effectivement ces pratiques-là qui sont aussi en train de changer dans le sens d'une prise en charge sans abandon, on va dire. Alors, ne pas dire cet enfant, de toute façon, a un mauvais pronostic, donc on va le laisser accoucher pour voie basse et on fera de l'accompagnement. Sinon, on a une probabilité de survie qui n'est pas négligeable, et s'il le faut, on réalise une césarienne, si c'est nécessaire. Mmh. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que pour une prise en charge de ces enfants optimales, il y a un ensemble de mesures. Et effectivement, c'est un travail obstétrico-pédiatrique très, très main dans la main. Et pour limiter le risque de séquelles et permettre à ces enfants de survivre dans des bonnes conditions, il faut vraiment un ensemble d'éléments de prise en charge qui inclut le transfert in utero dans un service de type 3, c'est-à-dire avec réanimation néonatale expérimentée dans la prise en charge des très grands prématurés. Ça veut dire faire des corticoïdes avant la naissance à la maman très tôt pour accélérer la maturation des poumons. Ça veut dire faire du sulfate de magnésium pour limiter le risque de séquelles neurologiques. Et puis ça veut dire un ensemble de prise en charge néonatale visant à limiter les conséquences de la prématurité, comme une bonne maîtrise de l'oxygénothérapie, de l'hyperglycémie, des très bonnes pratiques nutritionnelles, très bonnes pratiques de ventilation, etc. Et puis surtout des soins de développement aussi, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, en termes de prise en charge, à part les corticoïdes, vous avez accès à un certain nombre de molécules qui permettent d'éviter, de retarder en tout cas le déclenchement de l'accouchement, de maintenir le bébé le plus longtemps possible à l'intérieur de l'utérus, JKM ? Alors, sur le plan obstétrical, si l'objectif est de retarder l'accouchement, on a effectivement des moyens. Alors, on n'en a pas dans tout ce qui est pathologie vasculaire. Ça, c'est ce, oui, que, ce qu'on disait au début, tout à l'heure, oui. Avec la conséquence qui est surtout une prématurité induite, donc provoquée par l'obstétricien. On en a dans le contexte des menaces d'accouchement prématuré à bras intact. Vous avez l'utérus qui se contracte, le col qui s'ouvre. Et à ce moment-là, on peut administrer des traitements tocolytiques, c'est-à-dire qui vont bloquer les contractions utérines pour essayer de retarder un peu l'accouchement, ce qui va permettre, par exemple, l'administration d'une corticothérapie anténatale dont l'administration est associée à un meilleur pronostic pour le nouveau-né. J'ai lu des études sur la naloxone qui fonctionnerait ou qui a des bons résultats contre la prématurité. Vous en avez entendu parler ? Non. Non ? Elsa Carvalho non plus. Et puis il y a aussi une question, on en avait parlé dans cette émission aujourd'hui, il y a des équipes qui cherchent à développer des utérus artificiels pour mieux prendre en charge les grands ou les très grands prématurés. Est-ce que ce sont des études qui vous semblent prometteuses, Gilles Cayem ? Alors, je laisserai le professeur Carmorvan en parler parce que je crois que c'est surtout une prise en charge finalement qui était plutôt post-natale par la création d'un utérus artificiel. Oui, alors c'est en quelques mots pour conclure. En quelques mots pour conclure, c'est un stade très expérimental. Hein, c'est des études qui sont faites sur des agneaux. C'est une équipe de Philadelphie qui propose une espèce d'utérus artificiel. Donc les agneaux nés très prématurés sont placés dans un liquide stérile qui reproduit un petit peu le liquide amniotique et puis ils sont perfusés par voie ombilicale et oxygénés par voie ombilicale et nourris par voie ombilicale et ils ont réussi à faire survivre des agneaux 4 semaines comme ça. Mais on est encore très très loin de l'application et des essais cliniques chez les enfants. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Gilles Cayem, merci Elsa Carmorvan d'être venue nous parler de la prématurité. Un mot pour vous dire que je ne suis pas peu fier ni peu ému d'avoir remporté un nouveau prix, le prix du magazine Ciel et Espace pour le livre que j'ai coécrit avec Mathieu Lefrançois, L'Espace, aux éditions EPA. Voilà, le prix du livre d'astronomie 2021. On va vous mettre le lien si vous ne l'avez pas encore. Ruez-vous, puisqu'il va évidemment y avoir des bousculades dans les librairies à côté de chez vous pour se le procurer. Donc n'hésitez pas, filez tant qu'il est encore disponible. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Olivier Bé tard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Demain, un petit quark plus un petit quark plus un petit quark, et bien ça fait un proton ou un neutron. Les hadrons que l'on connaît en général 2 ou 3, mais que se passe-t-il lorsqu'on colle 4 voire 5 quarks ensemble ? On parle de hadrons exotiques demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.